Chapitre 2. La décision. Il s'assoupit encore. Lorsqu'il rouvrit les yeux, sa secrétaire était assise à son chevet. Cette petite brunette de 52 ans était veuve, sans enfant. Elle le comprenait mieux que quiconque. Son mari avait également péri dans un accident de voiture quelque 20 ans auparavant. Elle ne s'était jamais remariée, n'y songeant pas un seul instant. Son unique grand amour resterait à jamais son Pierre, et son cœur en était rempli. Il n'y avait jamais eu de place, même infime, pour un autre homme. Elle avait connu cette déchirure qui vous coupe en deux, les morceaux ne pouvant se recoller. Au fil du temps, on pensait à autre chose. Les occupations quotidiennes ainsi que les soucis empêchaient les sentiments de rester aussi exacerbés comme au premier jour. Mais il suffisait d'un parfum, d'une couleur, d'un paysage, pour que la douleur vous terrasse de nouveau. « Vous voilà dans de beaux draps, si j'ose dire, » fit-elle. « Je voulais faire mon intéressant. Vous me connaissez depuis le temps. » Le moment n'était pourtant pas à la plaisanterie, mais c'était plus de la dérision, et la secrétaire le ressentit comme telle. « J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine. » Elle attendait des grognements et fut surprise de la réaction de son patron. « Vous avez bien fait. Mince, moi qui croyais que vous alliez prendre le scalpel à ma place. Enfin, je crains seulement que cela ne suffise pas. J'ai eu un petit entretien avec le docteur Meillant qui... « Meillant ?» le coupa-t-elle. « Vous avez sauvé sa fille, si je ne m'abuse. » « Exact. Et n'a pas mâché ses paroles, et je dois avouer qu'il a eu amplement raison. » J'aurais besoin de rencontrer ou plutôt Jean-François et Léonce pour... Ils sont ici. Je me suis permis de les mettre au courant. Mais Yann m'a aussi briefé, alors ils attendent dans le couloir. Conspiration. On peut dire ça comme cela. Vous avez bien fait encore une fois. Vous ai-je déjà dit que vous étiez une véritable perle rare? Il me semble. Cela dit, c'est toujours agréable à entendre. Donc ne vous gênez surtout pas, je ne m'en lasserai jamais. « Pour revenir à nos moutons, je vous les appelle. Et voici les plannings, » dit-elle en lui tendant les documents concernés. Les deux hommes entrèrent. Ils secondaient Jérémy depuis plusieurs années désormais et connaissaient parfaitement le fonctionnement de la clinique. Voir leur patron se ronger chaque jour un peu plus sans qu'ils ne puissent y faire quelque chose pour le soulager leur faisait mal au cœur. Marchand avait une certaine réputation. Lointain, presque sombre, c'était un très bel homme. Dépassant le 1,90 m, toujours tiré à quatre épingles, il avait belle prestance, un charme inné. Des cheveux bruns, soyeux, toujours coiffés avec le plus grand soin, des yeux perçants d'un bleu magnifique, le visage glabre, des lèvres sensuelles, il avait tout d'une gravure de mode, le parfait mannequin masculin, presque trop parfait. Il aurait pu faire de la publicité pour une grande marque de parfums, disaient ses collègues. Au début, les hommes étaient réticents à son encontre, puis ils finissaient par lui faire entièrement confiance. Franc, droit, honnête, il était de fort bonne compagnie. Les femmes, quant à elles, soit elles l'adoraient, essayant en sa présence de se faire valoir, soit elles le détestaient, voyant que tous leurs faux-semblants pour le séduire tombaient lamentablement à l'eau. Jérémy Marchand était et resterait un homme fidèle. Gauchement, les deux médecins prirent place de chaque côté du lit. « Eh bien, » fit Léonce le plus âgé, « vous ne vous êtes pas raté. Comme vous le dites, mais vous me connaissez, je ne fais jamais les choses à moitié. Et le pire, c'est que je n'ai eu aucun effort à faire pour arriver à ce résultat. » Son nez si droit était d'un beau noir violacé du plus bel effet. « Allez-vous rester longtemps hospitalisé ?» demanda Jean-François. « Non, je sors dès demain, du moins, je l'espère. Je voulais vous voir pour aborder un tout autre sujet. » Il laissa planer un silence que personne n'osa interrompre. Finalement, il reprit. « Je vais partir, messieurs. » Les deux praticiens sursautèrent. « Pas définitivement, s'empressa-t-il d'ajouter, mais il le faut. Je deviens un danger, non seulement pour moi, mais surtout pour mes patients. « Combien de temps, patron ?» demanda la secrétaire qui, jusque-là, observait la scène sans piper mot. « Je n'en ai pas la moindre idée. Mais comptez tout de même quelques mois, trois, peut-être plus. Je suis à bout, les gars. Nous comprenons parfaitement, reprit la petite femme. Je vais reprendre tous vos dossiers en cours et les dispatcher entre vos collaborateurs, fit-elle souriante en regardant les deux médecins sur leur siège mal à l'aise. Et qui, demanda Léonce, fera tourner la clinique pendant votre absence? Personne, répliqua Jérémy. Pour un temps, la clinique fonctionnera sous votre tutelle à tous les trois. Vous pourrez embaucher quelques extras pour vous soulager si nécessaire. Par contre, à moins d'un énorme problème, je ne veux être dérangé, je ne veux rien savoir pendant tout le temps où je serai absent. C'est évident, répondit Cathy, et je vous promets que vous serez tranquille. Je vous en remercie, répondit Jérémy en lui souriant. Ils parlèrent encore un peu de la clinique, mettant en avant certaines interventions, comme celle du juge Édouard, puis ils prirent congé de Jérémy, lui souhaitant un prompt rétablissement. Jérémy, complètement épuisé, se laissa aller contre son oreiller en soupirant. Détendu, il sentit un certain bien-être l'envahir peu à peu. Il y avait si longtemps qu'il n'avait ressenti cette sensation qu'il fut surpris par son intensité. Il finit par s'endormir et ne se réveilla que quelques heures plus tard, complètement dispos. Il n'avait fait aucun cauchemar et cela faisait des mois que ça n'était pas arrivé. Il se surprit à penser qu'il avait enfin pris la bonne décision. Il lui fallait pourtant prendre son courage à deux mains pour appeler son meilleur ami. Depuis la mort de sa Corisande, il s'était renfermé sur lui-même et ne l'avait pas prévenu. Il était dans une sorte de brouillard et avait l'impression qu'il commençait à peine à en sortir. Qu'allait est-il penser de lui qui, à présent, lui demandait un fameux service, celui de l'héberger pendant quelques mois? Il le saurait que quand il l'aurait appelé, aurait répondu Cathy, qui aimait à ses heures perdues parodier Monsieur de la Palisse. La sonnerie lointaine résonna une fois, puis deux, et une voix qui n'était pas celle de son ami demanda: Oui, Monsieur Martin? Lui-même, qu'il demande. Je suis Jérémy Marchand, un ami de Frédéric. Pourrais-je lui parler? Eh bien, mon fils est à la laiterie. Pourriez-vous le rappeler dans une quinzaine de minutes, le temps que j'aille le prévenir? Rien de grave, j'espère, dit-il d'une voix redevenue inquiète. Non, pas dans l'immédiat. D'ailleurs, je suis désolé de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. 15 minutes. Et il raccrocha. Le père de Fred était assez bourru. Son fils lui en avait parlé comme d'un homme intègre, mais qui ne causait pas beaucoup. Il préférait, comme tous les gens simples et francs, les actes aux paroles. 15 minutes plus tard, Jérémy refit le numéro et cette fois réussit à joindre l'intéressé. Jérémy, je suis heureux de t'entendre, mon vieux. Ça fait un bail. Quoi de neuf? Tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. Je suis désolé de ne t'avoir appelé plus tôt, mais. Sa voix s'étrangla et Fred perçut sa détresse. Dis-moi ce qui se passe. As-tu des ennuis? As-tu besoin de moi? En quelque sorte, oui, mais certainement pas sur le sujet que tu penses. Le travail va bien, même trop bien. Non, c'est moi, personnellement, qui ai besoin de toi. Bon, raconte, ce sera plus simple. Vas-y. C'est si difficile à dire. Surtout au téléphone, gémit-il. Je suis à l'hôpital et tu es malade? C'est grave. Je prends la voiture et j'arrive. Non, non. Écoute-moi, je t'en prie. Je vais bien. Je sors d'un carambolage, mais à part mon nez, je vais bien. Tu me rassures. Cory est avec toi? Comment va-t-elle? Jérémy, entendant le nom de sa femme, ne put réprimer un sanglot. Jérémy, ne me dis pas qu'elle est. Oui, mon ami, oui. Tu as besoin de moi. Je prépare un sac et j'arrive. Et pas de discussion. Non, attends. Elle est morte depuis 3 mois, Fred. 3 mois? J'avoue que je ne comprends pas trop là. Je sais. J'aurais dû t'appeler, te le dire, mais je n'ai pas pu. Maintenant, je suis au bord du gouffre. Je n'en peux plus. Le docteur pense qu'il serait bon que je prenne un peu de recul et tu as bien fait d'appeler. J'ai compris. Je te prépare la chambre d'amis. Dans combien de temps penses-tu être là? Mais et ton père? Te préoccupe pas de cela. Il sera le premier à comprendre. Alors, dans combien de temps? Je devrais sortir de l'hôpital dès demain. Le temps de récupérer quelques affaires et je prendrai la route dès le début de l'après-midi. Tu sais qu'il y a environ 900, voire 1 000 km, tout dépend par où tu désires passer. Ne conduis pas trop vite. Avec ton récent accident, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose que tu reprennes le volant aussitôt. Je vais bien, je t'assure. Et chose étrange, depuis que je t'ai parlé, cela va encore un peu mieux. J'ai hâte de quitter tout ça, si tu savais. Oh, je le sais. Pourquoi crois-tu que je t'ai lâchement abandonné à ton triste sort? Ils discutèrent encore quelques longues minutes, puis Jérémy raccrocha en entendant le docteur Meillon entrer dans sa chambre. Alors, demanda le praticien, vous vous êtes décidé? Oui, docteur, je pars dès demain dans les Pyrénées chez mon meilleur ami. Et si vous êtes d'accord pour me laisser sortir sans temps?